Moisine, moisine de mon village, si tu vois Dieu dans les nuages, dans tes louanges, si tu parles à Dieu. S'il est bien pour moi, moisine encore hier, j'étais tout seul et pas fier, bien plus malheureux qu'un roi. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, pas d'autres yeux que ses yeux, rien de plus doux que son corps, pas d'amour aussi fort. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Voici dans tes prières, si tu vois Dieu dans la lumière, n'importe où, si tu le vois un jour surtout, glisse-lui un mot pour moi. Voisine, ma voix joindre ta voix pour qu'il m'accorde encore longtemps ce bonheur-là. La ilaha illallah. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, pas d'autres yeux que ses yeux, les chaînes entre ses mains et les miennes. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Le soleil est lourd sur la place. Moisine, si tu vois Dieu qui passe, embrasse-le bien pour moi. Tu m'entends, moisine. Embrasse-le.